le 6-9 de l'été, sur France Inter. Hommage à Elvis Presley, comme tous les matins à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Philippe Robin est à Memphis, et là-bas, une chanson française a plu à Elvis Presley. Dans les haut-parleurs de Graceland, on peut entendre en permanence les chansons d'Elvis Presley, de 9h à 18h tous les jours. Il y a quelques années encore, c'était des bandes qui tournaient en boucle. Aujourd'hui, c'est carrément une radio que l'on peut écouter, logiquement baptisée Elvis Radio, avec des animateurs absolument incollables sur le King. Et de temps en temps, on peut entendre une chanson qui rappelle un air francophone bien connu, comme « Can't Help Falling in Love », tirée de la chanson « Plaisir d'amour », ou encore celle-ci. « Much more than this. I did it my way. » Comme d'habitude, devenu My Way, depuis que Paul Anka l'avait adapté en anglais, est une chanson composée par Jacques Revaux. Et lorsque Jacques Revaux a entendu pour la première fois en 1973 Elvis chanter sa chanson, il a été très étonné et franchement fier. C'est quand même le King. Et c'est quand même extraordinaire, surtout qu'il a réussi à faire une variante encore, avec quelque chose de vocal exceptionnel, quoi. Il a fait une interprétation encore différente, quoi. Bon, enfin, il l'avait fait que pour le concert d'Hawaï. Malheureusement, elle ne l'a jamais enregistré, hormis en live. De sa disparition, 77, il a été 104 semaines numéro 1 en Allemagne avec ce titre-là. Et l'année de sa disparition, il a fait 10 millions de copies singles de My Way. Parce que j'ai touché les royalties, donc ça je le sais. Mais cette chanson, quand même, au fur et à mesure où les années passent, je commence à voir un peu le trac, parce que Clo-Clo n'est plus de ce monde, Gilles Thibault, le co-auteur, n'est plus de ce monde, le créateur Sinatra n'est plus là. Il y a beaucoup, beaucoup de décès autour de cette chanson. Et les mauvaises langues disent qu'elle porte malheur. Donc je me méfie. Une autre chanson française a été enregistrée par Elvis lors de ce concert historique donné à Hawaï en 1973 et diffusée par satellite dans le monde entier. C'est une chanson de Gilbert Bécaud, pour qui Presley semblait avoir de l'admiration. What now, my love? Now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn into ashes, and all my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel. Now I am numb, I've become. Oh, Voilà, comme d'habitude, et puis bien sûr le fameux « Et maintenant », deux chansons qu'aimait beaucoup Elvis Presley, « Magic Elvis » avec Philippe Robin. À demain.